Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Choisis mon roi, tu m'as vraiment aimé. À cause de ton amour, oh, oh, oh. Les choses cachées que je ne connaissais pas. Tu m'as appris, mon roi, comment récupérer tout ce que le diable m'avait volé. À cause de ton amour, oh, oh, oh. Tu es réel, mon roi. Tu n'es pas une histoire. Tu as changé ma vie. Tu es mon rédempteur. Ce n'est pas à cause de mes œuvres, Seigneur.